Audiomatique. La formation française Ézéchiel, qui existe depuis plus de 20 ans, introduisait l'émission audiomatique de ce mercredi 3 décembre 2014 avec leur composition Stéréochrome de leur plus récent album intitulé Luxe. Vous voici donc à l'écoute de la transmission 011 d'audiomatique en compagnie des électronistes. Jusqu'à 19h, nous vous présentons des artistes bien établis ou moins connus qui évoluent dans les différents courants du vaste et infini répertoire de la musique électronique. Débutons sans attendre la prochaine séquence musicale avec une formation britannique apparue en 1980 sur la scène dite électropunk, soit Portion Control. Toujours restée un peu dans l'ombre, cette formation s'est néanmoins fait connaître en 1985 avec une pièce aux sonorités plus pop qui s'intitule The Great Divide. C'est d'ailleurs cette pièce que nous écoutons dès maintenant.

Cette séquence se terminait sur la musique d'Intrusion, qui s'orthographie NTRSN. On a donc retiré les voyelles pour en faire un nom de groupe. Donc, cette formation belge contemporaine s'inspire de l'electronic body music des années 80, en évitant toutefois de tomber dans les clichés, ce qui donne des compositions bien en phase avec notre époque, mais présentant un petit côté vintage qui n'est pas désagréable à entendre, comme vous avez pu le constater à travers la pièce Cutting, une pièce qui est tirée du second album de NTRSN intitulé Hardlines. Notez que cette formation n'a produit que deux albums durant son existence entre 2005 et 2012. Auparavant, nous entendions Portion Control et leur pièce The Great Divide tirée du 12 pouces homonyme paru en 1985. Portion Control est une formation britannique apparue à Londres en 1980 et disparue du radar en 1987. Toutefois, après un hiatus d'une quinzaine d'années, Portion Control est réapparu en 2004 et depuis a produit 6 albums. Tournons-nous maintenant du côté de la ville de Seattle, de laquelle est originaire le duo Navy, qui nous offre ici la chanson Perfect Speed. Thank you. Praise your God. Praise your plan. Praise your plan. Praise your plan. Praise your plan. Praise your plan. Praise your plan. Fou de déraisonnable. 89 ans. Merveilleux. 89 ans. Tout juste avant la pause publicitaire, vous avez sans doute reconnu la voix de la délicieuse Bjork qui nous interprétait ici la chanson Declare Independence. Cette version a été enregistrée en concert et est parue sur l'album Biophilia Live. La chanson originale, elle, est tirée de son album Volta, paru en 2007. Tout juste avant, il s'agissait du projet solo de Sasha Pereira, chanteuse de la formation Jacuzzi, soit le projet Pereira Elsewhere, de qui nous entendions la chanson Lightbulb remixée par l'artiste californien qui se fait appeler Shlomo. On peut retrouver ce remix sur l'édition Deluxe de l'album Everlast de Pereira Elsewhere. Et nous débutions ce segment musical avec le duo américain Navy et la chanson Perfect Speed de leur plus récent mini-album qui s'intitule Double Barre Oblique. Vous êtes toujours en compagnie des électronistes. Et nous poursuivons maintenant avec Esplendor Geometrico, une formation qui a émergé de Madrid en 1980. Encore active aujourd'hui après avoir réalisé plusieurs albums, Esplendor Geometrico est toujours restée fidèle au son qu'elle a développé, soit une musique rythmique minimale aux accents industriels. La pièce que nous allons écouter, Regulación Automática, est tirée de leur avant-dernier album intitulé Desarrollos Geométrico, paru en 2011. Toutefois, cette pièce est exclusive à la version vinyle de l'album. On ne la retrouve donc pas sur le CD. Voici donc Regulación Automática que nous offre la formation Esplendor Geométrico. nous terminons cette séquence sur les sonorités produites par Addy Newton, le compositeur derrière Clock Divier. Clock Divier, c'est une autre formation culte dans le vaste répertoire de la musique électronique qui a sorti un premier album sous forme de cassette en 1977, 15 ans plus tard, après avoir publié l'album Sign en 1993, Clock Divier cesse ses activités pendant près d'une vingtaine d'années. Et en 2013, Addy Newton réactive Clock Divier en solo et propose un nouvel album composé de pièces instrumentales enregistrées dans les années 1990, mais jamais publiées. L'album porte le titre de Post Sign, et c'est d'ailleurs de celui-ci qu'est tirée la pièce Zero Module que nous venons d'entendre. Clock Divier est maintenant actif et a publié récemment un album ainsi qu'un 12 pouces. Et la séquence s'amorçait avec la formation Splendor Geometrico et leur pièce Regulation Automatica, qui est exclusive à la version vinyle de l'album Desarrollos Geometrico. La transmission 011 d'Audiomatique atteindra bientôt son point d'achèvement. Nous entendrons, pour clore l'émission, le projet Blockhead, soit l'incarnation musicale de l'Américain Anthony Simon, qui nous présente sa composition FTW de son sixième album solo, Bells and Whistles, qu'il a lancé de façon indépendante et non pas sur l'étiquette Ninja Tune comme ses autres albums. L'album est d'ailleurs disponible seulement en format digital pour l'instant, mais une version vinyle sera disponible au début de l'année 2015. Les électronistes espèrent que vous avez apprécié ces moments dédiés à la musique électronique. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 18h pour la transmission 012 d'Audiomatique. Sachez que l'émission est aussi en rediffusion les samedis à 20h et que vous pouvez également écouter les anciennes transmissions en vous rendant sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à communiquer avec nous en écrivant à l'adresse audiomatique@gmail.com. Restez à l'écoute, car les audacieuses suivent dans quelques instants. Mais tout juste avant, voici comme promis Blockhead avec sa composition FTW.